na kombo ye oye pesa kaba moi na bato linike no kona appelé le sauveur c'est le nom de Jésus le moyen de transport le plus rassurant Ebembe aloba kate, ebembe abonde la kate. Na kusani na oya pesa kabo moyo. Bamo susu bana babala mabala ekufa e. Balobela e no retour e o mariage. Banda bela baloba no retour la guérison e. Bame wazala kana yango e sila o. Baloba chame akoki kobonga li. Mosala oya bungisa koki jameli susu komata Kasili kambo oya kokuta na la mwana mobali oyo Jezi Ezo ngisa kaba oyo bakufa na bomo Esenga ka permission te pote ezo ngisa moto Tikeo, tikeo Nyaka komata na pepo oyo na bondelio Elongola kamoto na malade memie na gerizo Elongola kamobola na popete memie na richesse Na mona moto akufi azibo moyo Moto ayambi kaka yesu masia pe azibo moya seko Grand Seigneur Jésus Christ Tu seras sauvé Toi et ta famille de transport qui peut amener une personne et au travers de cette personne toute la famille est sauvée. Ah, my God, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome? Non, c'est mon ami, alléluia. La vie, mais au ciel, j'aurai la vie éternelle. Ça nous conduit vers la destinée. Bien aimé, même si tu as reçu les prophètes de ce monde, mais l'unique voie qui nous amènera au ciel, c'est le nom de Jésus. Come on! Hey. Transport en haut et même à Kajonase. Meli motake ko sansa ye na destination Yango ata emeli yo e Ato oza kolela e Oza koye kalokola boki yo Zoka nda sa komema yo na destination Male o En destination vers le ciel, allez, montons tous à bord, on y va. Batebele ba koma sije à mon kéri à bateau. Osaka la mongue si la, hey, liba le koufa balbi chamo koko balzi. Naba la mitan, nala kobala e. Ah, bachon na ma peka, basa koke de kokunda yo. Hey, ba mousse si ba kome lue koulous balbi, retour interdit au pays. Nde ba le bara la kinshasa. Est-ce que vous avez une chance? Basala ki kokende kopu na ngaye Namutani na yore Ngayi shabani yo Ena si bono Ena zanga kikimya ye Namutani na yore Ba oyo ba zanga ki babonti yo Ena si bono Babala kate babali yo Namutani na yore Yesu aza moninga langai, akoya kosekisa ngai.